Dikomanyanga. Ingénieur Albert Ndouayo de l'autre côté de la vitrine et bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Les journalistes burundais exerçant leur métier à mairie de Bujumbura déplorent la situation du moment, surtout la rétention de l'information par les citoyens et les autorités. Ils sollicitent l'intervention du Conseil national de la communication CNC pour assainir la situation. L'Olicom réclame la reconstruction du marché central de Bujumbura, 10 ans après, sans aucun geste concret, mais des promesses non tenues, le manque à gagner est énorme. Vous entendrez le coup de gueule de Gabriel Lucidi. Des déchets ménagers viennent de passer plus de 4 mois sans être enlevés dans les quartiers Mirango et Heha de la zone urbaine de Kamenge. Heureusement, une nouvelle association chargée de les évacuer a déjà eu son autorisation. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le dis en titre, certains journalistes exerçant leur métier à mairie de Bujumbura déplorent la rétention de l'information par les citoyens et les autorités. Les premiers disent craindre pour leur sécurité, tandis que les seconds craignent que les journalistes ternissent l'image du pays. Nos interlocuteurs rappellent que le journaliste travaille pour l'intérêt de la nation et demande au Conseil national de la communication de s'impliquer pour que les journalistes soient mieux traités sur terrain. Suivez ce micro-baladeur auprès de nos confrères. La population a peur de parler, surtout quand tu cherches des informations communautaires. On te considère comme un journaliste politique. L'interviewé peut ne pas accepter de te donner une information, soit disant que tu essaies de la politique, le soir il peut être arrêté, il peut être tué à cause de cette information qu'il a livrée. Un des messages que nous recevons souvent, que nous sommes présents pour tenir l'image du pays, mais cela n'est pas vrai, puisque le métier de journalisme est là pour être le pont entre la réalité et les consommateurs de l'information. Donc, si la réalité n'a pas cette chance d'être traitée par les professionnels des médias, c'est ça qui ternit l'image du pays. Je demanderai à tout le monde, à tous les acteurs, de ne pas nous considérer, quand je dis nous, les journalistes, comme les ennemis. Non, nous sommes comme d'autres Burundais et notre rôle, c'est de construire tous ensemble et ce pays. Le message, premièrement, c'est pour les autorités, qu'ils sachent que le journaliste travaille pour l'intérêt de la population, qu'également que le Conseil national de la communication, CNC, et qu'il nous aide de bien travailler sur terrain, parce que c'est lui qui nous a donné une carte, qui nous donne l'autorisation de travailler sur l'autorité nationale. Rappelons que le président de la République du Burundi a récemment déclaré que les médias jouent un rôle crucial pour le bon déroulement du processus électoral. Il a dit le 12 avril dernier à Gitega lors du lancement de la campagne d'éducation civique et électorale. Évariste Ndayishimiye a appelé les journalistes à donner la parole à tous d'une manière équitable. Suivez-le. Uretse kwa bitoza basabwa gushikira bene gihugu iyo bari hose kugira ngo babashikirize imigambi. À part que les candidats doivent faire des descentes sur terrain pour montrer leurs idées et les programmes à la population pendant la période électorale, les médias jouent un rôle non négligeable en matière d'éducation électorale. La population a le droit de savoir les programmes des partis, et c'est pour cette raison que les médias doivent diffuser des informations équilibrées afin que la population puisse élire le candidat jugé meilleur. Il est nulle part écrit que l'on doit élire un candidat de son propre parti. Souvent, les candidats ou partis politiques développent des stratégies de séduction ou créent des polémiques pour valoriser leur parti et dévaloriser d'autres, et les médias doivent éviter d'entrer dans ce jeu, mais plutôt jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation des citoyens en rapport avec les enjeux électoraux et diffuser chaque fois des informations équilibrées. Ils sont un vecteur puissant pour informer, éduquer et mobiliser les électeurs, contribuant ainsi à renforcer la démocratie. Les médias veillent également à ce que les partis politiques aient accès aux médias équitablement. À propos de la sauvegarde de la paix et de la tolérance politique, les médias doivent intervenir en évitant de donner la parole aux candidats qui veulent créer des divisions. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons économie à présent. Le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, Olucom, demande à l'État de tout faire pour construire l'ancien marché central de Bujumbura qui a pris feu en 2013. Gabriel Ussiri dit que plus de 10 ans sans aucune activité avec des promesses qui n'aboutissent pas est une perte pour l'économie du pays. Il le dit après que le gouvernement ait annoncé être en train de préparer une nouvelle maquette pour la construction de cette infrastructure. On l'écoute. L'argent qui tournait dans l'ex-marché central de Bujumbura avant 2013 oscillait autour de 20% du PIB, donc le produit intérieur brut. Donc vous comprenez que ce marché faisait tourner l'économie burundaise à hauteur de 20% du PIB. Ici, je ne peux pas oublier les impôts et taxes que le gouvernement du Burundi recevait. En plus, que le marché était un marché régional, il faut le savoir. Ce qui venait du Congo, Bukavu, Goma, Sud Kivu, Uvira, il venait s'approvisionner à Bujumbura. Mais aujourd'hui, donc les pertes sont énormes. Après l'incendie, le gouvernement du Burundi a donné beaucoup de promesses. D'abord, la première promesse, c'est une société fabriquée par certains Burundais qui s'appelait Sino-Africa. Après, il y a d'autres sociétés qui sont venues, mais c'est des sociétés charlatans. Dernièrement, nous avons entendu que le gouvernement du Burundi, à travers son conseil des ministres, avait promis que le gouvernement allait ou dispose d'une maquette de la construction de l'ex-marché central de Bujumbura. Ce que nous pouvons demander actuellement, ce ne sont pas vraiment des promesses. On en a assez. On a eu beaucoup de promesses. Ce qu'on a besoin actuellement, d'abord, c'est de nous dire qui a gagné le marché, qui va financer la construction de ce marché. Les travaux vont démarrer quand et les délais de l'entrée officielle de ce marché. On a besoin de ça. Donc, on a besoin de ces réponses. Sinon, on risque de se retrouver dans une situation qui ne réconforte pas les victimes. Toujours dans cette même page, le gouvernement du Burundi devrait mettre fin au problème de coupure de l'électricité qui empêche les entrepreneurs de produire. Analyse du président de l'Observatoire de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Après une journée de réflexion organisée mardi sur les défis qui hantent les exportations des produits burundais, Faustin Ndikumana demande au gouvernement de renforcer le système des guichets uniques pour faciliter la recherche des documents exigés aux exportateurs. Suivez-le. On a vu qu'il y a beaucoup d'entraves et il est de la responsabilité du gouvernement de lever ces défis. Beaucoup ont exprimé le problème de l'électricité. Imaginez une entreprise de production qui perd 30 à 50% de son temps de travail. Une autre qui perd 45 heures par semaine, c'est plus de 2 jours. Imaginez la perte dans une entreprise de production. Et beaucoup me se lamentent disant que même s'il y a coupure de l'électricité, si on veut utiliser le groupe électrogène, on souhaite aussi à arrêter du carburant mazout. Les barrières non tarifées. Imaginez quand on dit qu'un camion de la Braudi peut passer 3 semaines à la frontière. C'est inimaginable. Des Congolais qui disent qu'ils sont malmenés, ici la route Bujumbura-Gatumba, qui sont malmenés, un cas vraiment un témoignage où un Congolais a été malmené, injurié par un policier, et quand le Congolais a voulu porter plainte à l'échelon supérieur, c'est lui qui a été menotté. Même les Congolais disent actuellement que le Burundi est le dernier dans la sous-région au niveau du traitement des hommes d'affaires. Ça, c'est quoi la conscience déjà? L'État carcéral administratif, actuellement, il n'y a pas de guichet unique pour traiter les dossiers des exportateurs. Il n'y a pas de procédure écrite, un guichet unique possédé pour traiter les dossiers des exportateurs. L'OBR aussi devrait limiter ses exigences au niveau des papiers et au niveau des procédures. Les exportateurs aussi demandent la reprise de la pratique de refinancement pour permettre à accéder au financement urgent dans le secteur bancaire et pour financer les activités. Un autre problème soulevé, c'est le bureau burundais de normalisation qui devrait avoir des matériels suffisants pour protéger les opérateurs économiques contre la contrefaçon extérieure. Faustin Dikuman a demandé au gouvernement de veiller à ce que les relations commerciales soient améliorées. L'amélioration du climat des affaires au Burundi est l'un des facteurs pouvant pousser le pays à tirer profit de l'exportation du café. Une suggestion du directeur général et sortant de l'Office de développement du café au DECA lors de la remise et reprise ce mercredi. Quant au responsable entrant, il promet de travailler pour l'intérêt du pays et du caféiculteur. De son côté, Prosper Dodico, ministre en charge de l'agriculture, a appelé la nouvelle équipe à augmenter la production de café. Les détails avec Mireille Kanyang. L'augmentation de la production du café, aujourd'hui chiffrée à 8 000 tonnes, alors qu'elle fut de 50 000 tonnes il y a de cela quelques années, est de bonne qualité. Telle est la principale recommandation du ministre de l'Agriculture ce mercredi lors de la remise et reprise à l'Office de développement du café ODECA pour Léonard Kayobera, directeur général sortant, qui vient de faire une année en mois à la tête de cet office. L'assainissement du climat des affaires au Burundi est l'une des voies de sortie pour espérer des recettes de cette culture d'exportation. Il donne l'exemple des investisseurs étrangers qui préfèrent travailler avec certains pays comme le Rwanda et l'Ouganda au lieu d'acheter le café burundais. De son côté, Jean de Dieu Nindabira, nouveau directeur général de l'EDECA, y va œuvrer, dit-il, pour le pays en général et le caféiculteur en particulier. Interrogé sur le sort des personnes accusées de ruiner le pays à travers l'exportation du café, Prosper Dodico, ministre de l'Agriculture, fait savoir que la commission mise en place pour le suivi et la régulation de la filière café est à l'œuvre pour identifier qui et par quel canal a vendu frauduleusement le café burundais. Dans la réunion du 3 mai de cette année en province Ngozi, cette commission, mise en place par le chef de l'État, a annoncé qu'au cours de l'année budgétaire 2022-2023, le Burundi a enregistré une perte de plus de 30 millions de dollars américains par rapport aux pays voisins. Merci à Mireille Kanyang. Du café à la canne à sucre. La vieillesse des anciennes variétés de canne à sucre, la vétusté des équipements et la capacité très réduite de production de l'usine, ce sont là les difficultés majeures de la société sucrière du Mosseau. Ceci est confirmé par les autorités de cette dernière qui expliquent qu'elle ne parvient pas à transformer la totalité de la production annuelle. C'est cela étant, la direction générale de la Susumo tranquillise que certains des défis ont déjà trouvé une issue favorable et que d'autres sont en cours d'analyse. On fait le point avec Doré Bingavit. La société sucrière du Mosso avait le problème lié à l'ancienne variété de canne à sucre qui ne donnait pas une production suffisante. Mais cette question n'est plus, le département de l'agriculture ayant relevé ce défi en introduisant une dizaine de nouvelles variétés selon Jean-Claude Noiri, directeur agronomique de la Susumo. Nous avons entrepris un projet d'introduction de nouvelles variétés de canne à sucre. Nous importons de nouvelles variétés à partir de l'île de la Réunion. Nous en avons déjà importé une quarantaine. Parmi elles, 18 ont été déjà homologuées par l'Office national de contrôle et de certification des semences. Ces nouvelles variétés sont en train d'être multipliées dans le périmètre de la Susumo et nous sommes déjà à une superficie de 53 hectares de nouvelles variétés de canne à sucre. Ce sont des variétés qui sont performantes, des variétés qui sont précoces, qui résistent aux maladies, mais aussi qui ont un grand rendement à la de 200 000 tonnes à 450 000 tonnes par hectare. Un autre défi qui hante la Sosumo, c'est entre autres la vétusté de l'usine et la capacité très réduite qui font qu'elle ne parvienne pas à usiner le sucre en quantité satisfaisante, selon son directeur général. Général-major Aloïse Ndaïke Ngurukiye explique que des pourparlers avec la société ougandaise Salai Group sont en cours pour tenter de relever ce défi. C'est vrai, on a eu l'orientation de contacter ou de faire des négociations avec l'entreprise Sarai Group. Ce sont des sociétés indiennes qui travaillent en Ouganda dans le domaine sucrier. Et nous avons fait une descente en Ouganda pour voir comment ils fonctionnent. Et après, ils sont venus au Burundi. On a fait des négociations, des échanges. Pour le moment, on a donné rapport à l'autorité et nous attendons l'orientation de l'autorité pour la suite donc sur ce dossier. La société Sosumo, créée en 1982, ayant une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes. L'extension de l'usine ainsi que celle de sa zone d'exploitation agricole viendrait revoir à la hausse sa production, ajoute la direction générale de la Sosumo. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'actualité continue sur Isanganiro. Des habitants des quartiers Mirango et Heha se trouvant dans la zone urbaine de Kamenge déplorent que les déchets ménagers ne sont pas enlevés depuis presque 4 mois déjà. Le chef de zone Kamenge répond qu'une nouvelle association chargée d'évacuer ces déchets a eu son autorisation puisque l'autre a manqué à ses obligations. Des détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Ces habitants de la zone Ilbene Kamenge expliquent que les déchets ménagers ne sont pas régulièrement enlevés par l'association concernée. Les déchets ménagers, à l'époque, on les récupérait une ou deux fois par mois. Mais vous voyez que pour le moment, ces déchets sont entassés comme une montagne. Ça fait plus de 3 mois que les associations chargées d'évacuer ces déchets ne viennent pas. Actuellement, nous sommes au cours du 4e mois. Les sacs sont pleins de déchets et nous n'avons pas d'autres endroits où les jeter. Raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation malheureuse. Les associations qui étaient chargées d'enlever ces déchets ne viennent plus les récupérer. Malgré cette situation de salubrité, chaque ménage est obligé de payer mensuellement un montant de 2000 francs bouts, déplore-t-il, craignant d'attaquer des maladies liées au manque d'hygiène. Cette situation peut provoquer les maladies dans ma salle comme le choléra et d'autres maladies. Du fait que nous préparons le repas près de ces déchets qui dégagent plus souvent une odeur nauséabonde et surtout quand la pluie tombe. Nous demandons que ces déchets soient évacués comme avant. Ces déchets ménagers peuvent provoquer les maladies des mains sales comme le choléra. Du fait que nous préparons le repas près de ces déchets qui dégagent une odeur nauséabonde, nous demandons aux associations chargées de les évacuer de faire leur travail dans les meilleurs délais. Sur ce, le chef de zone Kamenge fait espérer que ces déchets ménagers seront évacués d'ici peu, du fait que, dit-il, le maire de la ville de Bujumbura a donné une autorisation à une nouvelle association appelée Rodrigue Business Company, possédant au moins 6 véhicules, contrairement à l'ancienne association Usafi Kwetu, qui avait qu'un seul véhicule. La situation était ici au moment où le maire de la ville de Bujumbura avait lancé en date du 27 février la campagne de 45 jours baptisée Bujumbura ville propre pour assainir la capitale économique, une campagne qui par calendrier a pris fin à mi-avril. Dernier dossier de ce journal, le manque criant d'eau potable rapporté au lycée de Rumonge depuis la coupure du réseau hydraulique l'alimentant en eau potable par la rivière Dama complique l'hygiène et l'étude chez les 650 élèves internes. Ceux qui se sont exprimés demandent à la Régie des eaux de trouver enfin solution à ce problème et rapporter depuis février 2024. Sans être précis, le directeur général de la Régie des eaux informe que la solution à ce problème est pour bientôt. Des détails avec Jean-Pierre Misako. Iki kibazo kuva mu kwa kabiri ubuzima nibwo mubona tubayemo n'ubunye cette vie difficile évoquée et celle menée par les élèves internes du lycée Rumonge dans un contexte de manque criant d'eau potable depuis bientôt plus de 3 mois. Siméo Mugisha, délégué général, dit que depuis février, c'est presque une monotonie. Après les cours et le déjeuner avec des assiettes superficiellement lavées, c'est le départ à la recherche de l'eau potable dans les environs. Certes, ce problème est commun à tous les élèves internes, mais il s'oppose avec acuité chez les jeunes filles lors de leur menstruation, nécessitant de l'eau en permanence, selon Florence Nduimana. Il s'agit là d'une situation grignotée sur le temps d'études, une situation aggravée par des coupures d'eau courant électrique au moment de l'étude et qui conduit à la chute des rendements scolaires, comme le témoigne Simeo Mugisha. Pour Amourani Avyarimana, directeur d'internat au lycée Rumonge, l'hygiène dans les dortoirs et même dans les salles de classe laisse à désirer. Le peu d'eau potable leur fournie par l'entreprise Sogeas Atom une fois la semaine, ne pouvant pas couvrir tous les besoins, la préfecture de discipline et les représentants des élèves se sont convenus de l'affecter à la cuisine, poursuit Amourani. Que ce soit les élèves, que ce soit le directeur d'internat, tous demandent à la régie des eaux d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Contactés à ce sujet, qui concerne également certains ménages des environs du lycée Rumonge, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, dit que la solution à ce problème est pour bientôt, sans plus de précision. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Voilà, c'est sur ce reportage de Jean-Pierre Misago que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikubananga. Bonne suite des programmes sur Sanganito.